Le purgatoire selon Maria Sima. 7. Les anges. Beaucoup disent que nous avons tous un ange. Est-ce que c'est vrai? Nous avons tous un ange gardien. Et lorsque nous mourrons, cet ange reçoit-il une autre mission ici-bas? Non, il nous accompagne au purgatoire, mais les âmes ne voient pas tout le temps leur ange gardien. Vous est-il déjà arrivé de voir son ange gardien en même temps qu'une pauvre âme? Ça ne m'est jamais arrivé. Mais ils sont toujours là. Et lorsqu'une âme arrive au ciel, que fait son ange? Il reste au ciel avec elle. Les anges gardiens ne reçoivent la mission d'accompagner une personne sur la terre qu'une seule fois. Tous les anges gardiens se ressemblent-ils? Un visionnaire crédible m'a dit que certains sont impétueux et d'autres plus calmes. Symbole plus les anges qui servent et protègent les âmes plus que les autres ne le font, ont l'air plus enjoués, sont revêtus de blanc et portent une couronne. Symbole plus les anges qui accompagnent les âmes souffrantes, sont plus calmes, ont un vêtement rougeâtre et portent un bandeau autour de la tête un peu comme un diadème. Symbole plus les anges des pauvres pécheurs, sont revêtus de rouge sombre, la tête couronnée, et ont les mains croisées la poitrine, le regard tourné vers le ciel en signe d'imploration. Quelle relation existe-t-il entre la pauvre âme et son ange gardien? Parfois ils sont très proches l'un de l'autre, quand la pauvre âme voit son ange gardien qui la console, la protège des attaques, la guide et l'instruit. Certains d'entre nous ici sur Terre peuvent-ils voir leur ange gardien et communiquer avec lui? Cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine et doit être accepté et entretenu comme une immense grâce. Nous pouvons tous, en priant beaucoup, apprendre à connaître notre ange gardien. Il arrive souvent que les gens disent, par exemple à l'occasion d'un accident de voiture où quelque chose d'extraordinaire s'est produit, que c'est leur ange gardien qui les a aidés. Se pourrait-il que ce soit plutôt une pauvre âme? Et comment faire la différence? Cela aurait pu être une pauvre âme, mais il y a une façon très simple de le savoir. Si c'était une pauvre âme, elle aurait au même moment et d'une manière ou l'autre demandé de prier ou de faire quelque chose pour elle. Avec les âmes, la communication est toujours réciproque. Dieu permet aux âmes de se montrer lorsqu'elles peuvent demander notre aide sur le chemin du ciel. Pas avec les anges, l'ange n'a pas besoin de notre aide. Sans cela, il y a de bonnes chances pour que ce soit un ange. Alors, si quelqu'un ne prie pas pour les âmes, il y a de fortes chances pour que ce soit un ange. Par conséquent, tous ceux qui voudraient bénéficier d'une protection supplémentaire devraient certainement prier pour le parent défunt. Si on le fait, on peut être certain de leur réponse, car ils ont un très grand désir d'être au ciel avec Jésus. Une pauvre âme m'a dit que si quelqu'un faisait une courte prière aux âmes et à son ange gardien en utilisant régulièrement de l'eau bénite avant de conduire sa voiture, 80% de tous les accidents de voiture seraient évités. 80%. Il y aurait de quoi mettre en faillite bien des compagnies d'assurance et faire baisser partout le coût des soins médicaux. Et le même pourcentage de tous les autres accidents également causés par le mal. Est-ce que les anges nous protègent plus lorsque nous le leur demandons que quand nous ne le faisons pas? Sans demander leur aide, nous ne pouvons faire face aux assauts que nous ne voyons pas. Nous devons faire appel à eux et ne tenir aucun compte des enseignements qui laissent entendre ou déclarent ouvertement que les anges n'existent pas. On raconte aussi beaucoup de sottises à propos des anges, de nos jours, et c'est en grande partie de l'occultisme. Les anges noirs existent-ils, et si oui, qui sont-ils? Ce sont des anges tombés avec Satan. Est-ce que nous n'avons tous qu'un seul ange gardien? Les visionnaires des anges m'ont dit que les prêtres et les sœurs ont un ange gardien de plus, de même que les médecins. Si les médecins demandaient l'aide de leurs anges gardiens, Beaucoup d'entre nous seraient en meilleure forme que nous ne le sommes. Les évêques ainsi que le pape ont aussi plus d'un ange gardien. Notre ange gardien peut-il lire nos pensées? Il peut nous guider et nous protéger en nous mettant des pensées à l'esprit, et il peut enlever des pensées que Satan y a placées. Les gens devraient demander la protection de leur ange gardien bien plus souvent qu'ils ne le font, et ils devraient approfondir leur sensibilité à son égard. Quel est l'ange le plus important pour nouer les âmes? Saint-Michel Archange. Il est le plus puissant contre tout mal et nous devrions souvent lui demander sa protection, non seulement pour nous mais pour les âmes. Nous devrions chaque jour lui demander de nous protéger, nous et tous les membres de notre famille vivants et morts. Il nous en serait tellement reconnaissant. Il s'agit dans votre cas d'une révélation privée à travers les âmes, n'est-ce pas? Oui. Existe-t-il aussi des cas de révélation privée à travers les anges? Le plus connu aujourd'hui est celui d'une communauté établie autour des expériences d'une Autrichienne du nom de Mère Gabrielle Bitterlich. La communauté s'appelle Opus Angelorum 1950 ou Œuvre des Saints Anges, et j'en suis membre. Mais tout comme Medjugorje, elle est vivement attaquée par certains milieux. Les accusations d'abus et de contrôle mental sont aussi révoltantes que les affirmations selon lesquelles un prêtre de Medjugorje écrirait lui-même les messages et aurait payé le Vatican pour se montrer favorable aux apparitions. Et, comme d'habitude, les personnes qui ont passé le moins de temps à prier, enquêter et discerner sur place, sont celles qui en parlent le plus négativement. La dernière insulte contre l'Opus Angelorum a été de les obliger à recevoir la communion dans la main. Puisse le Seigneur accorder sa sagesse à ceux qui imposent de telles choses. Mais Notre-Dame mettra bientôt de l'ordre dans tout cela. Si des gens ont conscience de la présence de leur ange gardien et peuvent même parfois l'entendre, peuvent-ils aussi en venir à le connaître comme ils connaissent d'autres amis? Ils le peuvent certainement. Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent le nom de leur ange gardien et l'appellent chaque jour pour qu'il les guide, les protège et les aide. Dans la prière, nous pouvons discerner la présence de notre ange et discuter de tout avec lui. Il est très heureux de pouvoir nous aider et ne s'endort jamais en notre compagnie. Et il peut nous faire traverser des situations très difficiles et très dangereuses. Qui sont les autres grands anges, en dehors de Saint-Michel? Comme le mentionne la Bible, il y a sept archanges et Saint-Gabriel et Saint-Raphaël sont les plus connus. Saint-Gabriel porte des habits sacerdotaux. Il est particulièrement actif avec ceux qui prient beaucoup le Saint-Esprit. Il est l'ange de la vérité et un prêtre ne devrait jamais laisser passer une journée sans demander l'aide de Saint-Gabriel. Saint-Raphaël est l'ange de la guérison. Il aide surtout les prêtres qui entendent beaucoup de confessions et les pénitents eux-mêmes. Les gens mariés ne devraient pas non plus oublier Saint-Raphaël. Il porte une sorte de tablier avec une ceinture et tient un bâton en forme de sceptre à la main droite. Nous devons aussi avoir recours à l'aide de ces deux grands anges pour les autres aussi souvent que nécessaire. Et ils sont aujourd'hui tous les deux plus nécessaires que jamais car le monde nage dans l'erreur et la souffrance en raison des péchés non confessés. Il y a 9 cœurs des anges formant 3 hiérarchies, ne jamais négliger de demander leur intercession. Symbole plus les séraphim, les chérubim, les trônes. Symbole plus les dominations, les vertus, les puissances. Et symbole plus les principautés, les archanges, les anges. Existe-t-il des esprits neutres? Je veux dire des anges ni bienveillants ni malveillants et qui ne travaillent ni pour Dieu ni pour Satan? Cela n'existe pas. Ou bien ils sont restés avec Dieu et font le bien pour lui, ou ils sont tombés avec Satan et font le mal avec lui.